Oh, mes amis, mais quelle galère monstrueuse! Hier soir, je me suis fait choper par les poulets alors que j'allais chercher mes clopes et mon schnapps. Oh, ils m'ont même embarqué, les perdreaux. Motif? Exhibitionnisme. Ah, tout ça parce que j'avais été faire mes courses en tongs. Et puis alors, attention, les tongs, ça compte pas pour ces messieurs de la volaille. J'étais à poil. Oh, alors, ça a été comparution immédiate devant le juge et pas condamné, Helmut. 10 heures de travail d'intérêt général. Je me suis retrouvé à faire la circuit sur l'avenue des Champs-Élysées. Oh. Alors, comme c'était plutôt rébarbatif, j'ai décidé de mettre un peu de piment et de paillettes à ma journée. J'ai vidé ma gourde de schnapps. La petite, la 30 litres. Oh, la vache, je me sentais beaucoup mieux. Du coup, j'ai pris ma tâche avec un intérêt décuplé. J'ai commencé avec un troupeau de touristes japonais qui traversaient en dehors des passages protégés. Alors, escroc ou la compagnie créole? On se la joue aventurier? Allez, tout le monde le long du mur, les mains sur la tête. Là, le guide a commencé à faire son malin. Ah, tu fais le mariole, vieux sushi. Et je lui tire une balle dans le pied pour qu'il la ferme et je m'adresse au groupe. Allez, allez, 100 euros d'amende chacun, payable tout de suite, en cash. Eh ben, ça se présente plutôt pas mal cette journée. 2000 euros en 10 minutes, c'est plutôt bien. Allez, on enchaîne. Ah, une camionnette qui stationne à côté du kiosque. Sors de ton véhicule, fumier, allonge-toi par terre, les bras et les jambes écartées. Je pose mon pied sur sa tête et grâce à mon talkie-walkie, j'appelle la fourrière. Le gars vocifère en m'indiquant qu'il venait juste pour livrer les journaux. Bon, c'était clair, il me cherchait les embrouilles. Embrouilles que j'ai arrêté d'avoir et qu'il arrêtait de me chercher suite au coup de matraque retentissant que je lui ai mis entre les deux yeux. 10 minutes plus tard, tout était réglé. La camionnette à la fourrière et le soi-disant livreur à la Croix-Rouge. Ah, suite à toutes ces émotions, je décide de faire un petit break et de me fumer une petite goldo. Pendant ce temps-là, bien sûr, j'observe. Oui. Et qu'est-ce que je remarque? 2 petites vieilles qui depuis 5 bonnes minutes restaient plantées sur le bord du pavé. Ma clope terminée, je décide de mettre un terme à ce petit manège aussi sordide que hors la loi. Alors les vieux, la retraite est maigre, on fait le tapin? Y a pas de mais enfin monsieur, on attend un taxi. Si vous croyez que je vous ai pas vu, montrez vos bavarices chaque fois qu'un car passait. Allez, suivez-moi, je vais vous emmener au panier à salade, moi. Oh, comme elles résistaient, les 2 vieilles carnes, j'ai été obligé de leur passer les menottes et la cagoule de cuir. Oh, quelle journée. Je suis rentré chez moi, lessivé. Bon, je vous laisse, hein. J'ai gardé une paire de menottes justement, ainsi que ma matraque. Je vais aller me faire une petite soirée à thème avec ma concierge, Madame Pedrosa. Allez, au revoir, Zen.